J'aime pas les lundis. Comme tous les lundis, je me sens englué à mon lit. Je mets une droite à mon réveil et je ferme les yeux, imaginant que j'ai de l'oseille. Je me recouche, après je prends ma douche. Aujourd'hui j'ai la frite, j'aimerais aider la frite, mais j'ai toujours pas de fric. J'avale un bol de céréales et je saute dans mon roadster. Je souris à mes collègues, hyper productifs dans les troubles de l'humeur. Sinon ils sont comme tout le monde, c'est des travailleurs sous antidépresseurs, des employés qui luttent pour payer leur loyer. Je suis en manque de sommeil, en manque de soleil, englouti dans la grisaille quotidienne. J'ai envie de faire mes bagages et partir en voyage. Mais je dois revenir à la réalité. En plus, je dois retourner travailler. I hate Monday. Je serre la main des dirigeants, exigeants, intransigeants. Notre salaire n'est pas très alléchant, je crois qu'ils ont oublié le supplément pour payer la nourriture, les factures, les frais de voiture. Devant ma petite prime, je déprime, je projette d'être chasseur de primes. Mon voisin, lui, il a tout compris, c'est peut-être parce qu'il a free. Il compte sur Secret Story pour assurer sa success story. Il envisage un succès historique. Je suis en manque de sommeil, en manque de soleil, englouti dans la grisaille quotidienne. J'ai envie de faire mes bagages et partir en voyage. Je dois revenir à la réalité. En plus, je dois retourner travailler. I hate Monday. Je suis en manque de sommeil, en manque de soleil, englouti dans la grisaille quotidienne. J'ai envie de faire mes bagages et partir en voyage. Mais je dois revenir à la réalité. En plus, je dois retourner travailler. I hate Monday. Je suis en manque de sommeil, en manque de soleil, englouti dans la grisaille quotidienne. J'ai envie de faire mes bagages et partir en voyage. Mais je dois revenir à la réalité. En plus, je dois retourner travailler. I hate Monday.